Ego et ennui, voici le titre d'un texte que j'ai rédigé. Vous allez pouvoir le retrouver en double-cliquant sur le lien qui figure en bas de l'enregistrement présent. L'ennui est le résultat d'une réflexion de l'ego évaluant que sa vie ne répond pas à ses désirs. L'ego ne faisant pas la distinction entre ce qu'il croit vouloir et ce qu'il veut vraiment, peut souffrir d'ennui, car la nature de ses besoins réels lui est voilée. L'ennui peut être vécu lorsque l'ego compare son existence à celle des autres. Lorsqu'il se définit par rapport aux autres, il fonctionne à partir d'une conscience collective plutôt qu'individuelle. Alors, il a tendance à vibrer au désir de ce qu'il n'a pas plutôt qu'au savoir de ce dont il a besoin de vivre. À la lumière de la compréhension de son besoin évolutif individuel, en étant son propre point de référence. Si l'ego n'a pas équilibré sa relation avec sa source, il ne peut pas vivre pleinement d'une conscience créative. Il peut, alors, ressentir de l'ennui étant donné qu'il vit encore d'une conscience réflexive qui permet d'alimenter cet état psychologique. Le vécu de l'ennui est en relation avec une conscience qui manque de maturité dans son développement, car n'étant pas capable de se renouveler par elle-même de manière autonome et perpétuelle. Pour en venir à ce stade, l'individu devra intégrer pleinement la fusion avec l'esprit. L'ennui est en relation avec l'ignorance de l'ego à savoir ce qu'il doit faire dans le cadre de son existence. Elle peut être entretenue par le fait qu'il subit de la désinformation à son insu venant du plan astral, la lui voilant, dans l'optique de le manipuler pour le garder dans une condition évolutive. Lorsque l'ego n'est pas capable de contenir le temps de sa programmation et de saisir son utilité évolutive, il risque de vivre de l'incompréhension à l'égard de son existence et de souffrir de l'ennui. L'ego n'ayant pas la volonté de contester le plan astral ne peut pas générer un état vibratoire plus grand que ceux émotifs de tristesse et de mélancolie pouvant être associés au vécu de l'ennui. Comme le plan astral ne peut pas générer de nouvelles formes, il ne peut pas initier de mouvements créatifs pouvant sortir l'individu de l'ennui et dynamiser sa psyché. Si l'ego ne fait pas ce qu'il doit faire dans sa vie, à la lumière de l'éclairage de l'esprit, il risque de souffrir d'ennui. Pour être bien dans sa peau, l'individu s'ennuyant, en relation avec une situation, doit en venir à savoir pourquoi il l'expérimente et s'il doit ou non agir pour y mettre fin en vue d'être dans la paix de l'esprit et de triompher de l'ennui. Plus un individu devient conscient et moins il s'ennuie parce qu'il développe un sens d'identité propre pour assumer par lui-même sa situation existentielle sans la réfléchir. L'ego qui s'individualise expérimente un contact conscient avec son esprit et développe un état vibratoire différent des autres. Il peut vivre, au début du processus, de l'ennui étant donné qu'il lui arrive encore de réfléchir. Il n'est pas alors habitué d'être différent des gens de son environnement, n'expérimentant pas la même chose que lui simultanément. Il doit développer la capacité, au début du processus de fusion, d'assumer individuellement son savoir sans le support du collectif, soit se donner un sens de l'identité propre lui permettant de se supporter lui-même. Cela peut être ardu au début, mais nécessaire pour initier un rapport à l'existence pleinement individualisée. Plus quelqu'un vit un processus d'individuation qu'il assume consciemment, et plus il peut supporter la solitude et l'incompréhension des gens de son environnement, de sa condition, le rendant de plus en plus distinct de la masse. Plus il se supporte lui-même psychiquement, et moins il a besoin de support du collectif. Il développe alors une grande capacité de discernement résultant du développement de son intelligence individualisée qui remplace le besoin qu'il pouvait avoir d'être encadré par le collectif. Tant que l'ego a la capacité d'émotiver la pensée, il peut ressentir de l'ennui. Lorsqu'il la perd dans le cadre du processus de la fusion, elle disparaît. Lorsque la personne passe de l'involution à l'évolution, il ne peut plus expérimenter l'ennui car il s'est dépouillé de la capacité réflexive lui permettant d'être généré dans sa psyché. Il vit alors d'une conscience créative qui remplace celle réflexive qu'il avait. Que l'ego s'engage ou non dans une action, il peut ressentir de l'ennui. Elle peut être vécue par l'ego qui s'engage dans une action qui est en décalage avec son esprit et sous l'influence d'une dictée astrale qu'il dévitalise. Sinon, l'ennui peut être vécu par l'ego qui, expérimentant de la peur, en relation avec une dictée astrale, ne s'engage pas dans une action qui lui permettrait de se dynamiser et de s'ajuster davantage à son esprit en allant au-delà des mémoires qu'il connaît. Il vit alors un état d'inertie, de stagnation sur le plan évolutif, le lien psychiquement avec le plan de la mort. Si l'ego n'a pas la transparence pour s'ajuster d'une manière totale à l'intelligence impersonnelle qui l'habite, il est susceptible de s'ennuyer et de souffrir de ce manque d'ajustement, le gardant dans une conscience personnelle et réflexive. Plus l'ego est inconscient et plus il peut souffrir d'ennui. Il peut alors se faire astraliser sans s'en rendre compte pour être amené à ressentir ce sentiment. Si l'ego n'a pas la puissance de volonté pour amener son esprit à lui dévoiler le réel de ce qu'il vit, il ne sera pas dans le savoir de ce qu'il expérimente et cette condition peut lui faire ressentir de l'ennui et lui donner l'impression que sa vie n'a pas de sens, soit qu'elle s'avère absurde. Il pourrait, alors, ressentir un vide existentiel et un état de désespoir s'y rapportant. Pour sortir de l'ennui, l'ego, en utilisant la puissance de sa volonté, doit amener son esprit à lui parler intelligemment pour avoir la capacité d'accéder au savoir permettant un renouvellement créatif et perpétuel dans sa conscience. Pour triompher de l'ennui, l'ego doit mettre fin au lien qui le lie au plan astral et développer une puissance de volonté lui permettant de préserver sa paix de l'esprit. Elle doit être suffisamment forte pour rester intacte devant les nombreux assauts du plan astral, demeurant possible, tant que ce plan d'énergie ne sera pas dissous par les nouveaux initiés. Voilà ce qui termine à présent la lecture du texte qui s'intitule « Ego et ennui ».